Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de boxe. Monsieur Jean-Paul Chartrand Senior a fait un exercice qui est toujours le fun de comparer des boxeurs livre pour livre. Il l'a fait en fin de semaine sur le site de RDS.ca où il a parlé des 10 meilleurs boxeurs québécois livre pour livre. Et je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur ses choix. On en parle avec on lui parle directement. Bonjour, Monsieur Chartrand. Ah, regarde. C'est parce que moi, j'ai mis Beterbiev premier, Arthur Beterbiev. Moi, je pense que Beterbiev est à quelque part, et peut-être pas au niveau talent. Au niveau talent, c'est le meilleur. Peut-être qu'au niveau fiche, il a pas mis beaucoup de gros noms sur son curriculum vitae. Par contre, je demeure convaincu qu'il pourrait être bon. J'ai mis deuxième Alvarez, 3 Stevenson, 4 le mieux, Pascal Saint. Après ça, les autres, je les connais un petit peu moins, mais Mbili, Clayton, Spence, ça commence à être intéressant. Là. Je comprends. Dans le cas d'Mbili, de Clayton, ces gars-là, c'est des gars qui s'en vont vers un championnat quasiment assuré. Dans le cas de Beterbiev, écoutez, un jour peut-être, pour le moment, je suis obligé de le placer. La raison pour laquelle j'ai placé Stevenson premier, c'est un peu par respect, tout d'abord. Ça fait tellement longtemps qu'il est champion. Mmh. On dit ce qu'on voudra que concernant les adversaires, il reste qu'il a battu tout ce qu'on lui a présenté. Et c'est le champion dans le moment qui est demeuré le plus longtemps au niveau mondial de tout. Au Canada. Mais M. Chartrand, on s'entend-tu pour dire qu'il choisit des adversaires puis il boxe une fois de temps en temps? Oui, exact. Maintenant, seriez-vous prêt à dire que Beterbiev va le battre d'un combat? Je serais à peu près ça convaincu que Beterbiev battrait Stevenson. Ah, mais félicitations. Ah, mais c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est qu'on peut s'assiner, puis on peut prendre des gageurs, puis... Justement, c'est comme pareil essayer de juger deux belles filles. Alors, mais c'est parce que Beterbiev, c'est dommage, ce qui est arrivé avec Beterbiev, parce que toutes ces histoires hors ring, c'est ça qui est un petit peu... qui attache à Beterbiev. Parce que sans ça, je suis convaincu moi, que ce gars-là serait un des meilleurs boxeurs livre pour livre au monde. C'est une brute, ce gars-là. J'aime pas son entourage. D'une façon ou d'une autre, quand il est arrivé, vous vous souvenez, il était arrivé avec Anna Riva. Ouais. Il l'a amené en cours pour être capable de causer son contrat. Ensuite, il s'est amené avec Jim. Il a essayé de causer son contrat. La cour a dit non. Là, dans le moment, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas qui va prendre la relève, par exemple. J'ai bien l'impression qu'il doit y avoir quelqu'un aux États-Unis qui aimerait ça l'avoir. Oui. Personne ne s'est présenté jusqu'ici pour acheter son contrat. Il est devant le tribunal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, mais il n'y a pas Eddie Hearns qui veut l'acheter? Qui? Eddie Hearns, le promoteur britannique qui s'en vient... Dans le moment, non, pas dans le moment, en tout cas... Parce que, comme je vous dis, il est devant le tribunal. Donc ouais. À partir de là, tu veux pas toucher à ça, hein? Ouais. Parce que si le tribunal décide qu'il reste avec Jim, il arrive quoi? C'est sûr. Et voilà. Ouais. Mais dans les autres, j'ai quand même Alvarez deuxième. Je pense Alvarez, écoutez, il faut certainement le prendre en considération, mais tu ne peux pas prendre un gars sur un seul combat, à l'exception de... moi, je l'ai vu à l'entraînement assez souvent. Je sais que c'est un excellent boxeur de fondamental, par exemple. Il connaît la boxe. Il y a ce qu'on appelle une science de boxe qui est très bonne. Sa force de frappe laissait à désirer jusqu'à temps qu'il y a ça. Sergei Kovalev. Ah ouais. Alors là, dans le moment, moi, je l'ai placé deuxième parce que j'ai une confiance inébranlable en lui. OK. Et quatrième, David Lemieux, je pense qu'on est pas mal d'accord avec ça. David Lemieux je pense bien qu'il est rendu au top, là. Je pense pas qu'il aille plus loin que ça. Il va en avoir plein les bras, là, lui, de battre Gary O'Sullivan le 15 septembre prochain. Si jamais ça arrivait, À partir de là, c'est certain qu'il va aller soit contre Gennady Golovkin ou contre Saul Alvarez. Mais okay. S'il gagne, s'il perd, bonsoir la visite. Ça va devenir un boxeur qui est pour monter ses fiches, puis pour monter les autres, et ainsi de suite. Là. Exact. OK. Par la suite, vous avez mis Mbili. Mbili, je suis convaincu que ça va devenir un très, très bon boxeur. C'est devenir un champion mondial, éventuellement, ça ne se peut pas. OK. Que ce gars-là ait autant d'admirateurs en France, il y en a au Canada, il y en a partout. Il vient de gagner, justement, le championnat junior, là, amateur chez ouais. les jeunes. Là. Pas amateur, mais chez les jeunes. Le Canet, c'est sur la Méditerranée, là, en France. Oh, ouais, c'est arrivé au mois de juin, je crois. Regardez-le boxer. La seule chose qui me fait peur dans son cas, c'est qu'il mesure 5 pieds 8. Et à 5 pieds 8, 160 livres, c'est pas tellement grand. Par contre, je me suis dit, écoute, Marvin Hagler a réussi l'exploit d'être un des meilleurs au monde à 5 pieds 9. Donc, il y a un pouce de différence. Mais Mbili, au niveau de la base fondamentale, au niveau de la sorte de boxe, j'ai l'impression qu'il est peut-être le meilleur de tout le groupe qu'on parle, là. OK, OK, OK. Mais Jean-Pascal, moi, Jean-Pascal, parce que quelque part, lorsqu'on parle de Jean-Pascal, là, c'est un des boxeurs qu'il faut quand même lui donner le plus de respect parce qu'écoute, il les a tous affrontés. Oui, je serais bien d'accord avec ça, même. J'aurais placé Jean-Pascal au niveau peut-être 4, OK? OK. Est-ce qu'il va continuer à boxer? Maintenant, s'il est pour continuer à boxer, va-t-il boxer contre des gars qui veulent réellement, tu sais, quand tu penses que à son poids, là, lui, là, les gars sont Sergei Kovalev, ouais. Dimitri Bivol, Elider Alvarez, Adonis Stevenson, ce que le monde voudrait ici à Montréal et au Québec, j'en suis certain, c'est qu'ils rencontrent Adonis Stevenson, parce qu'il y a eu une chicane entre les deux. Mm. Mais c'est peut-être le meilleur boxeur de tout ce groupe-là. Il n'a jamais eu peur de personne. Ouais. Mais là, il est rendu, il a 35 ans, il est riche comme Crésus, et puis est-ce qu'il va continuer? On ne le sait pas. Ben, lui, il veut continuer. C'était ouais. quoi? Les rumeurs, on parlait de Bivol, là, mais... Ça dépend comment il continue. S'il ouais. continue à se battre contre des gars comme Steve Bossé, ben, tu peux pas le mettre là, là. Lui, là, c'est juste, il se bat pour le plaisir de boxer à 25 000 piastres la copie. Il dit que si tu t'en vas au niveau d'un championnat, quand tu commences à tomber dans les 500 000 puis dans le million, ben là, t'es obligé de prendre les gars de première classe. Les gars de première classe, dans le moment, ils ont été maganés un peu. Vous l'avez vu contre Alvarez, hein? Ouais. Il y a un nom que vous avez pas sorti, M. Chartrand, puis je suis convaincu, ce gars-là, c'est une brute aussi. Il y a trois combats, vous allez dire, il est malade. Batir Jougambaïev. Ouais, ça, c'est le gros poids lourd, ça. C'est pas le... Non, c'est pas le petit... Non, Batindaïev. Oui, Batir... Ben lui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de combats, mais lui, je dois vous dire que... Oh! Ça, c'est le gars Stéphane Larouche, hein. Ouais. Lui, là, je vous dis, là, ça va être... lui, là, Jougambaïev. Un jour, il va falloir qu'on fasse la révision de tous les jeunes qui aspirent. Des gars comme Mbili, des gars comme... Tu sais, des gars qui n'ont pas trop de combats. Mm. Et Jougambaïev, je suis certain, serait un de ceux-là. Ça, c'est certain, c'est assuré. C'est un des... La seule raison pour laquelle il n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de combats. Mais c'est un nom à retenir, et pas à peu près, là. D'accord avec ça. Oui. D'accord avec ça. C'est un gros nom. Clayton, par la suite, et vous avez mis Simon Keane et Stephen Butler. Là, Simon Keane, bon, il est temps qu'on commence à faire quelque chose avec. Là, c'est pas lui donnant des gars comme Dylan Carman, là, qu'on va aller ben loin avec lui. Là. 17 combats en arrière de lui. Pas 17, il y a 15 combats en arrière de lui, il y a 14 knockouts. Ouais. À un certain moment, est-ce que c'est des pieds de céleri qui a battu? Là? Des gros Adam Braidwood, des gars de même, là, c'est pas des vrais boxeurs, ça. Ben non, c'est des hommes forts qui mettent des gants. Pas d'autre chose. Là. Mais la journée qu'il va rencontrer un vrai boxeur, c'est ce que j'ai hâte. Ouais. C'est un vrai boxeur qui est dans sa classe. Vous oubliez pas qu'au niveau mondial, il est classé 25e. Ouais, c'est il pourrait. Okay, c'est toujours pas mauvais. Il y a quelqu'un en quelque part qui le regarde. Mm. Mais si t'es classé 25e, t'es obligé de te battre avec des gars entre le 15e et le 30e, disons. Mm. Correct? Si tu me prends un gars dans ça, là, à partir de là, tu peux l'évaluer. Dans le moment, on le sait pas. On sait qu'il est gros, on sait qu'il est grand, on sait qu'il est fort, on sait qu'il est musclé. On sait qu'il est capable de frapper, on sait qu'il est capable de boxer. Il a une bonne énergie. Mais si tu le places contre un gros gars de sa taille et qui sait boxer, on verra à ce moment-là. Ouais. S'il le bat, on peut avoir toute la confiance imaginable. OK. Monsieur Chartrand, je dois vous laisser rapidement parce que vous m'aviez dit que j'ai 10 minutes à t'accorder. Donc, on vous suit cet automne, toujours à l'antenne de RDS? Oui, monsieur. Bon, ben merci beaucoup. On s'en reparle bientôt. Et vous saluez tout le monde dans le bout de Delbeau. Hein? Effectivement. Jean-Paul Chartrand, Seigneur, expliquait son classement sur le site RDS.ca.